au-delà de ma route, au-delà de ma vie, au-delà de mes doutes et de mon insouciance, au-delà de mes peurs, au-delà de l'ennui, il y aura toujours toi qui me portes chance. Tu as changé ma vie, bouleversé mon histoire. J'avais soif et toi seul m'apporter à boire. Au-delà de mes haines et aussi mes colères, au-delà du dégoût des pires jours de ma vie, au-delà du néant qui chaque fois s'ensuit, il y aura toujours toi que chaque jour j'espère. Au-delà de ce monde qui doucement s'éteint, au-delà des rivières qui n'apportent plus d'eau, au-delà des pays que je n'ai jamais atteints, il y aura toujours toi et le grain de ta peau. Tu as changé ma vie, bouleversé mon histoire. J'avais soif et toi seul apporter à boire. Au-delà de mon âme qui n'est pas des plus belles, au-delà de mon cœur qui a souvent saigné, au-delà d'une vie que l'on dit éternelle, je te donne mon amour, mon être tout entier. Tu as changé ma vie, bouleversé mon histoire. J'avais soif et toi seul m'apporter à boire. Au-delà de ces mots qui sortent de ma bouche, efface à jamais toutes mes phrases sibyllines. Au-delà de nos nuits partagées sur ma couche, tu as comblé un vide plus profond qu'un abîme. Tu as changé ma vie, bouleversé mon histoire. J'avais soif et toi seul m'apporter à boire. Au-delà de ma route, au-delà de ma vie, au-delà de mes doutes et de mon insouciance, au-delà de mes peurs, au-delà de l'ennui, il y aura toujours toi qui me portes chance, toi qui me portes chance.